centre les élèves qui ont réussi au test d'État. On l'écoute. Article 5 parle de la formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle accueillent les lauréats de l'école fondamentale ayant satisfait aux critères d'orientation dans les centres de formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont ces critères sur lesquels ces gens se sont basés pour inscrire ces élèves? C'est la raison, en attendant que des textes réglementaires soient signés, que j'ai sorti ce communiqué pour ne pas désorienter la population. Parce qu'on n'avait pas encore commencé les inscriptions. Maintenant, il faut que chacun sache où il va s'orienter, dans quelle structure de formation il va s'orienter. Il y a des élèves qui sont déjà inscrits dans ces centres de formation professionnelle des privés. Où vont aller ces enfants? Ces enfants vont suivre la formation dans les centres appropriés. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas réussi au concours, ils vont suivre la formation dans les centres d'enseignement des métiers. S'ils ont réussi, ils vont suivre la formation dans les centres de formation professionnelle. Alors, juste que je demanderai à ces promoteurs de l'enseignement des centres privés, c'est se conformer aux orientations du ministère et aussi au décret pour le moment qui est toujours en vigueur. Le ministre burundais de la fonction publique intervient après qu'un propriétaire d'un centre de formation professionnelle se soit plaint que l'orientation du ministre est contraire au dit décret du président. Le propriétaire de ce centre avait inscrit dans son centre de formation professionnelle des élèves qui n'ont pas réussi au test de l'État, alors que cette réussite est l'exigence du gouvernement. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro, ce journal se poursuit. Célébration ce 11 octobre 2016 de la Journée internationale des filles. Le thème de cette année, l'union fait la force, retour sur 5 ans d'avance et vers la fin du mariage des enfants. À Bumwe Berti, l'assistante psychosociale à l'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme, indique que le mariage des enfants est un problème de taille au Burundi. Et selon l'UNICEF, 20,9% des filles sont mariées avant leur âge de 18 ans et 2,8% avant 15 ans. Je vous l'avais dit en titre, la réhabilitation des 7 marches de la capitale Bujumbura pourrait prendre fin au mois de novembre. L'annonce du conseil économique de la mairie de Bujumbura, Christophe Kinshasa, explique que le retard de cette réhabilitation est dû à l'entreprise chargée de la surveillance de ces marchés qui doit d'abord donner un rapport aux bailleurs. Suivez. En gros, il n'y a rien qui manque. Tout simplement, vous savez, dans les travaux de construction, il y a l'entreprise Geta qui construit, il y a l'entreprise Bergimo qui doit surveiller, contrôler les travaux. Sur certains sites, Bergimo peut trouver que les travaux n'ont pas été, par exemple, bien effectués. Le payeur doit se fier au rapport de l'entreprise Bergimo qui contrôle. Et quand Bergimo voit, par exemple, que l'une ou l'autre chose n'a pas été faite comme il faut, dans son droit de demander à Geta de refaire. Et c'est en temps qui est supplémentaire. On avait annoncé que les travaux devaient être finis au mois de septembre. C'est dommage, comme il y a la pluie qui tombe déjà. Nous le regrettons, nous aussi, mais on espère que d'ici novembre, tout sera prêt pour que les commerçants puissent retrouver leur stand. Nous pouvons dire que ce n'est pas un problème de manque de financement. Non, franchement, il n'y a pas de problème de financement comme certains l'ont prétendu. Le financement est là, les fonds sont là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Christophe Kinshasa, c'est le conseil économique en mairie de Bujumbura. Il répondait aux questions de Gildas Rubelingabo. Les maisons d'habitation situées au bord de la rivière Narangwa au quartier Kigobe de la zone Gihosha en mairie de Bujumbura sont menacées de destruction puisque l'eau ne cesse d'étendre l'espace de cette rivière. L'avenue Mukarakara qui mène vers Kigobe à partir du boulevard du 28 novembre n'est plus praticable. Il ne reste à certains côtés que 4 mètres pour que cette avenue ne se retrouve dans le champ de la rivière. Alain Désiré Boukainez s'y est rendu à son reportage.